les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Auditeurs des Vosges samedi. Eh oui, et bel hiver. Car cette émission, première diffusion, donc ce 26 janvier, sera diffusée au fil de cet hiver jusqu'au 2 mars. Alors pas tous les samedis, parce que nous alternerons avec d'autres émissions ô combien intéressante et hivernale, hein, avec le 3W Dimanche sans chasse, le plan d'eau dont les animations donc se terminent en février à Remiremont, et puis celle-ci, alors là c'est vraiment notre pépite hivernale, c'est le ski-pass dont les prestations et les possibilités de se rendre dans les Hautes-Vosges avec 70% de réduction a lieu jusqu'à la mi-mars. Les week-ends, ça fonctionne les samedis et les dimanches. Donc, je vous présenterai les modalités du ski pass. Et oui, parce que j'ai maintenant le dépliant, ce dépliant tant chéri, les mois précédents où, effectivement, même les personnes salariées de la SNCF n'étaient pas dans la capacité de répondre parce que leur site n'était pas actualisé. Mais maintenant, ça y est, on arrive parfois à le trouver, pas obligatoirement en gare, en office du tourisme. Et merci à celui de Saint-Maurice sur Moselle où j'ai pu le décoter. Donc, le ski pass, les bonnes destinations sur le massif vosgien, même ou surtout si vous ne faites pas de ski, parce qu'il y a des tas de bons plans en utilisant ce dispositif avec 70% de réduction pour aller dans des lieux qui ne sont pas desservis habituellement. Et puis, en deuxième partie d'émission, eh ben le ski pass, vous pourrez aussi le mettre, pourquoi pas, en action pour vous rendre, entre autres, le 9 mars à Metz, dans le cadre d'une marche de la biodiversité avec un jeune garçon qui est vraiment intéressant. Donc, je vous donnerai toutes ces informations avec quelques autres informations complémentaires pour notre chère planète et plus particulièrement notre Grand Est et plus particulièrement, justement, les illustrations musicales des artistes du Grand Est et dans les Vosges samedi, c'est plus particulièrement les artistes vosgiens. Alors lui, il y en a certains qui sont un peu à cheval sur la frontière, j'allais dire Lorraine-Vosgienne. Bon, je sais que les Vosges ont un petit côté indépendantiste pour ça. Mais ils sont lorrains, bien sûr, les Vosges font partie de la Lorraine. Et là, je vous présente effectivement encore une autre version. Notre générique, c'est Dominique Walter, hein, qui fait une parodie que les Vosgiennes sont belles, que la montagne est belle. Et là, c'est une autre parodie. Moi, je la trouve excellente. C'est ma pépite musicale hivernale. C'est Dominique Walter, Pelle. Tu les pèles, tout à mitoufler, j'en ai marre, j'me les gèle. Et toute cette neige qui va chez moi vient de s'entasser, me fout des cales aux mains par ton manche congelé. Comment veux-tu qu'avec les filles je me pavane? Avec mon bonnet je ferai fuir toutes les bonnes femmes. Pelle, gare à celui qui me jettera une boule de neige. Je vais lui retourner sur la tronche une pelletée de neige. Oh Lucifer, pète un petit peu pour faire fendre tout ça. Ça me donnera le temps d'aller secouer Esmeralda. Belle, quand la neige colle, te devient lourde et cruelle. Te me brise les reins, j'ai l'ongle et aux orteils. Et quand je vois mon nez qui n'arrête pas de goûter, avec toi on n'a même plus le temps de se moucher. Dans la montée je ne fais que de me casser la gueule. Comme une conne ma belle reste la plateille toute seule. Belle, faut point que je m'arrête car on est lié, ma belle et moi. Jusqu'au bout du chemin il faut y aller comme ça. Ce qui me gonfle c'est que toutes mes forces je les mets là. Soir je ferai ta main pour secouer Esmeralda. J'attends le printemps pour te mettre à la poubelle. Parce que tout l'hiver c'est toi qui m'ensorcelle. Avec ton manche qui est vachement plus long que le mien. Surtout par grand froid, il ne me reste plus rien. J'ai pas envie de te laisser, oh damoiselle. Car avec toi, elle ne resterait point pucelle. Belle, tu vas, tu viens et tu dégages les chemins. Y'a que la frayeille que t'as le droit de faire avec mes mains. Quand viendra le printemps, je serai débarrassé de toi. Je passerai mon temps à secouer mon Esmeralda. Esmeralda. En plus d'être drôle, Dominique Walter, c'est un excellent chanteur parce que mine de rien, cette montée sans farte pour reculer, cette montée musicale, c'est pas évident à chanter. Voilà, vous êtes dans l'émission Les Vosges samedi et qui dit farte, oh bah ça c'est pour les plus de 60 ans à l'époque où les skis fallait farter. Et puis dans les Vosges, alors là, vous savez, à 100 mètres près, vous trouvez de la neige sèche, après c'est de la bouillasse, c'est mouillé. Je vous dis pas comme ça collait. Alors maintenant, le ski pass, le principe du ski pass. On va dire que c'est à présent davantage, hein, puisque même... c'est un peu compliqué pour nos auditeurs d'Hermiremont. Alors je pense qu'ils peuvent tout à fait se présenter en gare d'Hermiremont et notamment au niveau des bus qui desservent le massif vosgien. Sauf que dans les dispositifs mis en place par la SNCF, eh bien c'est soit par le net, soit par les bornes donc qui se trouvent notamment dans les villes du sillon lorrain pour desservir justement ce massif vosgien dans le cadre du ski pass, qui vous offre d'une part 70% de réduction sur votre tarif, hein, sachant, enfin, c'est une illustration. Le tarif plein de Nancy-Hermiremont, c'est 18,20 € et à 70%, ça fait 5,60 €. Donc, multiplié par deux, le ski pass, 11,20 €. Donc, en fait, non seulement vous allez, alors je me situe par rapport au sillon lorrain, vous allez de Nancy jusqu'à Hermiremont en train et à la gare de Remiremont, vous avez une desserte qui existe normalement les autres dans toutes les périodes de l'année, avec une desserte en bus qui vous amène sur la Haute Moselle jusqu'à Bussan, qui vous amène jusqu'à la Bresse sur la Haute Moselotte. Mais en période hivernale, dans le cadre du ski pass, ces bus-là non seulement desservent effectivement Bussan et la Bresse, mais poursuivre le chemin au-delà de cette distance, de cette destination. Alors pour la Bresse, ils vont jusque les stations de ski alpin et de fond, à savoir Lichpar et puis donc la station de la Bresse-Honeck. Et puis également, un bus vous amène, un autre, un troisième bus, vous amène sur le secteur skiable donc de Gérardmer, à savoir donc pour le ski de fond, le domaine des Barrues et puis la Moselaine pour le ski de descente. Ensuite, au niveau de la Haute-Moselle, mais ça c'est en fonction de l'enneigement, c'est-à-dire en fonction si notamment la station de ski du Rouge-Gazon est ouverte, vous avez des dessertes pour un euro supplémentaire qui vous permet de monter jusqu'au Rouge-Gazon ou jusqu'au Larsener, sachant que cette desserte, elle part à partir du Tillou. Donc, là, il faut vous renseigner au niveau des offices du tourisme, hein, pour savoir si la desserte fonctionne pour la Haute-Moselle. Pour les autres destinations, ben, bien sûr, vous pouvez toujours vous mettre en relation avec les différents offices du tourisme locaux, et notamment celui d'Hermiremont, qui est bien informé en général. Et donc, plus particulièrement, au niveau des horaires, j'attire votre attention sur le fait que les horaires sont différents du samedi et du dimanche. Hein. Par exemple, le samedi, alors je prends toujours l'exemple donc de Départ-Nancy. Hein. Départ-Nancy, le samedi, c'est à 7h20 et le dimanche, c'est à 8h20. Alors, automatiquement, vous avez une heure de décalage par rapport aux bus qui partent ensuite de Remiremont, hein, puisque la desserte au niveau donc de Remiremont, la desserte en bus part vers un peu plus de 9h, je vais dire 9h, voilà, comme ça, vous n'aurez pas de... Parce qu'il y a du 9h et du 9h05. Donc, voilà, 9h et puis sinon, effectivement, c'est 10 heures pour le dimanche. Ensuite, ce bus vous amène jusqu'à ces différentes destinations, hein, donc terminus Moselaine pour la destination de Gérardmer, terminus la Bresse-Lohonec donc pour la Bresse, et terminus Bussan pour la Haute-Moselle. Ensuite, vous avez un retour qui vous amène sur Remiremont avec ensuite soit effectivement des dessertes. Alors, le retour, c'est pareil. C'est différent si c'est le samedi ou le dimanche, avec des dessertes soit en bus, soit en train, selon la possibilité donc de retour en fin de journée, le dimanche ou le samedi soir. Donc, on retient le principe du ski pass, 70% de réduction. C'est valable, c'est 70% de réduction tout le restant de l'année, selon certaines modalités dont je vous parlerai ensuite en deuxième partie d'émission. Le ski pass, c'est aussi un bon plan pour faire toute chose sauf du ski. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la raquette, vous pouvez faire de la marche à pied, vous pouvez ne rien faire. Ce qui est important de savoir, c'est que dans toutes les stations de ski, vous avez ce qu'on appelle des salles hors sac. Alors, c'est effectivement, c'est pas du cocooning, c'est pas des grands salons, tout ça, mais c'est chauffé, c'est propre. Il y a des tables, des bancs, même des possibilités parfois de réchauffer des choses. Donc, vous pouvez mettre dans votre sac à dos ce que vous voulez manger. Et puis ensuite, vous faites votre planning comme vous l'entendez, ou vous ne faites rien sur place, mais vous êtes au blanc. Et donc, il y a au blanc. À consommer sans modération, si c'est la neige. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir ainsi une journée en plein air, très sympa. Ou pourquoi pas, par exemple, sur Gérardmer, vous avez régulièrement des navettes qui vous ramènent sur le centre-ville de Gérardmer de faire du tourisme, si vous le souhaitez, par exemple. Donc, on retient le principe du ski pass. C'est jusqu'au 10 mars. Hein. C'est les week-ends, hein, donc le samedi ou le dimanche. Donc vous avez les bornes pour pouvoir effectivement prendre ces billets, donc d'une part dans les gares. Vous avez aussi la possibilité, et ça je le retrouverai entre temps parce que ça sera valable pour les autres les propositions, vous avez aussi la possibilité de vous mettre en relation avec un numéro de téléphone gratuit pour avoir les autres informations. Sinon, avec vos petits doigts, vous pianotez ce qui passe CER, Vosges, tout ça, ça pose aucun problème pour trouver. J'attire votre attention sur deux choses, c'est donc un aller-retour dans la journée, tarif est unique, adultes et enfants. Donc là, nos problèmes, enfin, il n'y a pas d'histoire d'autres réductions, c'est un tarif unique, mais il n'y a pas nécessité d'avoir, par exemple, d'autres cartes, comme ça, c'est le cas dans le cadre d'autres dispositions où on peut voyager à 70%, mais hors ce qui passe avec, effectivement, la carte Presto, par exemple, pour les plus de 26 ans, mais qu'on achète 30 euros. Je vous en parlerai ensuite pour les autres possibilités de se déplacer dans le Grand Est. Alors, j'attire aussi l'attention, tout ça, c'est le Grand Est, donc c'est valable aussi, bien sûr, les dispositions du ski pass. Moi, je vous parle Sillon-Lorrain, mais il y a d'autres dispositions qui existent sur d'autres destinations, mais là, c'est le ski pass parce qu'on est en hiver, et qui dit hiver, ben dit on pourrait penser la trêve hivernale, pendant ce temps, oui, pendant les travaux, on va dire, pendant les travaux, les inculpations continuent. Bon, de ça, je vous en parlerai ensuite, après cette illustration justement musicale, mais auparavant, j'attire quand même en plus votre attention sur le fait que les domaines de ski de fond de la Haute-Moselle, que ça soit Bussan, donc le Larsener, tout le secteur de Rochelotte, ou que ce soit le Rouge Gazon, donc il y a plus de 1000 mètres, donc un enneigement naturel, pour ce qui est du ski de fond, bien entendu, eh bien, c'est gratuit. Alors aussi, avant de terminer par rapport à cette partie hivernale dans la neige, eh bien, mon petit coup de cœur, notamment quand il y a de la neige naturelle, eh bien, c'est la petite station de Rochesson. C'est sur l'axe Vanier-Gérardmer. Rochesson, c'est une station qui se trouve à 600-700 mètres, enneigement naturel. Il y a une seule piste, mais ça coûte quelques euros pour le forfait de l'après-midi. Bon, pour en savoir davantage, vous pianotez avec vos petits doigts côté Office du tourisme de Vanier, par exemple 03 29 24 88 69. Voilà, donc et puis il y a d'autres petites stations. Il y a un excellent guide qui a été fait, ça s'appelle Guide de l'hiver 100% Vosges, donc 2018-2019. Il donne les différents tarifs, sachant qu'avec le SkiPass vous avez aussi des réductions par rapport modestes, mais enfin c'est toujours ça de prix, par rapport effectivement aux possibilités de louer du matériel, de l'équipement, etc. Mais notre petit coup de cœur dans les Vosges samedi, si vous êtes fidèle auditeur des Vosges samedi, vous savez que cette station de Rochesson, c'est tenue par les retraités de Rochesson. Y a un tire-fesse, vraiment le tire-fesse, voilà. Et on monte, on descend, on monte, on descend. C'est très bien pour quand on commence. Il y a aussi un itinéraire ski de fond, un itinéraire raquette, c'est vraiment très sympa. Il y a un chalet en bas de ce tire-fesse où les retraités font du vin chaud, du chocolat, alors chocolat sans modération, vin chaud, ben c'est vous qui voyez, et puis des crêpes, tout ça, des tarifs défiant toute concurrence, et puis c'est vraiment très très convivial, très sympa, c'est chaleureux, il y a une cuisinière au bois, etc. C'est à Rochesson, enneigement naturel. Allez, ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui se passe à Bure, comme c'est à l'encablure des Vosges. Je vais vous causer de quelques dates, et puis bien entendu, qui dit Bure, dire les Bures à l'heure, et là c'est Achille qui nous chante l'hymne des Vosgiens. J'aime le lard, j'aime le lard, j'aime le lard, je suis Vosgien, le gras, le mets pour ma bedaine, qui me rend allègre, c'est surtout la poigne. J'aime le lard, j'aime le lard, j'aime le lard, je suis beau chien. Le drap, le maigre, pour ma bedaine, si mon allègre, c'est surtout la peine. Les poches pattes, c'est pas que des pattes, la bête des beaux, ça nous fait quelque chose. On avait de la lutte, qui vous avait bien vu, et c'est jamais final, ça nous fait bien mal. J'aime le lard, j'aime le lard, j'aime le lard, je suis beau chien. Le drap, le maigre, pour ma bedaine, si mon allègre, c'est surtout la peine. J'aime le lard, j'aime le lard, je suis beau chien. Le vin le maigre, pour ma bedaine, si moi Alex, c'est surtout la couette. À 100 à l'heure, je suis nos chiens, tout en fumant des grands bouts de chine. Pour faire de la choupe, on se fait des choux. Allez-moi, belle, ça nous en fait bien belle. J'aime le lard, j'aime le lard, j'aime le lard, je suis beau chien. Dans la chienne, le vin le maigre, pour ma bedaine, si moi Alex, c'est surtout la couette. Voilà, vous savez, auditeurs d'RCN, que je suis très bon public pour ce genre de chansons. Et je suppose et j'espère que c'est le cas pour vous. Ah oui, un peu de douceur, un peu d'humour dans ce monde de brut. Alors en fait, de monde de brut, ben voilà, c'est la pénalisation, voilà, des militants. Cherchez l'erreur. Il y a quelques temps, il y a eu donc en cour d'appel les deux militants. Ils ont pris au hasard. Hein, alors un Alsace et puis un Lorrain, deux Christians, ils s'appellent, leur prénom c'est Christian, donc ont été mis en examen pour avoir soi-disant attenté à un mur qui était illégal, qui était construit par l'Andra dans le bois où il ne devait pas être l'Andra. Hein. Donc puis ils ont pris des photos, c'était le flou artistique le plus total. Bref, il y a d'abord une condamnation très ferme, hein, quand même, pas encore de la prison ferme, mais déjà avec sursis, c'est déjà pour plusieurs mois, plus des amendes, etc. Donc l'affaire est appelée en appel. Le délibéré aura lieu donc à la cour d'appel de Nancy le 21 mars. Et le 27 mars, eh bien, il y aura également à la cour d'appel de Nancy, à nouveau le procès des faucheurs d'OGM qui avait été blanchi lors de la cour d'appel d'Alsace, hein, puisque ça se passait en Alsace. Le parquet, donc l'État a fait appel de cette décision, c'est allé en cassation qui a cassé le jugement d'appel et dans ces cas-là, ça retourne dans une autre cour d'appel que celle qui a initialement fait ce premier jugement. Donc ça retourne à Nancy le 27 mars avec la Confédération paysanne, donc on retient bien ces deux dates, notamment c'est le 21 mars le délibéré pour les deux Christians concernant Bure et puis le 27 mars par rapport aux OGM. Et puis on retient aussi une autre date, alors le 9 mars, hein. Le 9 mars, c'est un jeune garçon, hein. Il est vraiment, bon bah, vous allez sur son blog, hein, il vous dira tout, il se présentera aussi, ça s'appelle le blog de Victor, tout est attaché, j'allais dire le blog de Victoire, je nous le souhaite, le blog de Victor, tout est attaché, donc Webnode, donc Webnode, mais si vous marquez le blog de Victor, vous trouver. Et il propose donc, il propose pas tout seul bien sûr, avec un certain nombre d'autres associations, de se rendre à Metz le 9 mars pour justement cette marche par rapport à la biodiversité, sachant, ne l'oublions pas, que l'espèce humaine fait partie de cette biodiversité. Hein. On parle réchauffement climatique, certes, c'est très préoccupant, hein, notamment pour toutes les populations qui habitent en bordure de mer, etc. Puis tous ceux qui subissent ces catastrophes, entre guillemets, naturelles, mais faites par la main des êtres humains, et notamment des nantis qui continuent à s'enrichir après nous le déluge, et ça sera peut-être vraiment ça, pour le coup. Et en attendant, la Déjà, l'atteinte, c'est la disparition des espèces. Hein. Ça s'est écroulé d'une façon massive et vous avez d'autres émissions qui en parlent beaucoup plus précisément. Mais, en attendant, l'espèce humaine fait partie de la biodiversité. Donc, la planète pourra nous survivre sans problème. Elle l'a déjà prouvé dans des endroits comme quand Hiroshima, Tchernobyl. Hein, la nature reprend ses droits. Mais sans les bipèdes que nous sommes, qui avons créé ces catastrophes. Donc, si vous voulez vous rendre à Metz le 9 mars, eh bien, vous pouvez utiliser également, dans le cadre des réductions proposé par le Grand Est, c'est votre trajet TER Grand Est préféré. Alors, moi, je vous parle uniquement de cette disposition. C'est la carte Presto. Alors, la carte Presto, elle coûte 30 euros à l'année. Et simplement, cette carte vous permet non seulement de bénéficier pendant un an de 30% de réduction en semaine. Bon, ça, c'est pour celui qui est qui a cette carte, mais également de 70% les week-ends et jours fériés sur tout le réseau TER Grand Est. Alors, j'insiste, hein, TER, il y a des trains qui sont classés TGV, ça marche pas obligatoirement. Alors, c'est le week-end, emmenez jusqu'à 3 personnes et faites-leur bénéficier des mêmes réductions que vous. C'est le bon plan partagé. Alors ça, c'est vraiment un bon plan. Quelqu'un qui voyage un peu en train, il prend cette carte Presto, hein, donc c'est pour les plus de 26 ans, 66 ans j'allais dire, 26 ans. Et à ce moment-là, le week-end, il peut amener avec lui ou avec elle, la personne, il peut amener 3 autres personnes qui aura et qui auront chacune aussi cette réduction de 70%. Hein. Je rappelle, hein, donc Nancy-Remiremont, un ordre de grandeur, hein, à 70%, au lieu de payer près de 20 euros, à savoir 18,60 euros, vous payez 5,60 euros. Hein. Au lieu de payer un ordre de grandeur, au lieu de payer une vingtaine d'euros, vous n'en payez que 5. Donc c'est vraiment 70%, c'est quasiment un quart, hein, ça c'est du calcul rapide, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment sympa, c'est très bien desservi, tout ce sillon lorrain, que ça soit en direction des Hauts-de-Vosges ou que ça soit en direction de Metz le 9 mars, pour aller à cette marche sur la biodiversité. Voilà, donc on retient 3 infos. Alors, d'une part, bien entendu, le numéro de téléphone, si vous voulez en savoir davantage concernant ces possibilités TER, un numéro de téléphone, donc le site, hein, c'est TER Grand Est, ça pose pas de problème, ou Grand Est, TERSNCF.com, et un numéro de téléphone 0805 415 415, je répète, 0805 415 415. Une autre info pour savoir ce qui se passe par rapport à Bure et tout le secteur, eh bien, Sortir du nucléaire, hein, c'est un site qui reprend plein d'autres infos. Pour la marche de la biodiversité, vous pouvez bien sûr aller sur le site de Oiseau Nature, mais également sur le blog de Victor. Si vous êtes dans votre vaisseau spatial, vous saurez que c'est pas la victoire, c'est sans E, sans I, c'est le blog de Victor. Et voilà, c'est le 9 mars à Metz. Et puis, eh bien, on retient que le ski pass, c'est jusqu'au 10 mars. Hein, et je vous propose justement de vous rediffuser ces différentes informations, eh bien, en février, le 9 et le 23 février, ainsi que le 2 mars, parce que ce sont des pépites à consommer sans modération, comme ces magnifiques radios associatives sur lesquelles vous êtes, RCN et RGM. Un grand merci à Thomas pour RCN, un grand merci à Marcus pour RGM, un grand merci à vous, auditeurs des Vosges samedis, pour votre fidélité ou votre future fidélité si vous nous découvrez sur nos ondes. Car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho pour le plus grand plaisir des dames. Que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. À Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher, le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez, et tout le bazar est animé, ça élimine la matière grasse. Être excité.